dans ma plume. Passe-moi une plume pour que ma plume s'envole. Je vois que la pub rembotche. Yo, oh, pour du taf, combien qui court du matin au soir, reste d'être plein, ça se tue pour l'équipe qui refuserait un chèque avec une belle somme. Personnellement, je crois que personne. Elle te monte à la tête et en manque, il faut un mental d'athlète. C'est pas un film ici, pas de Montana, mec. Me demande pas la recette pour être richissime. Vivre avec un pompe sur la tête, c'est très difficile. Le compte en déficit, avec la banquière, j'ai pas la cote. Par contre, quand j'envoie la somme, elle me kiffe même en bas la coste. Ra la conne, encore une matérialiste. Encore une qui t'abandonnera si t'as pas ce qu'elle veut sur la liste. Chaque jour, on réalise. Poids des soucis augmente, trop demande de l'aide. Compris qu'aussi des profs mentent, rose monte. Un jour je le kiffe, un jour je le déteste. Bébé, moi si je te quitte, j'aurai mes prétextes. Laisse-moi garder une lueur d'espoir, bien que la vérité blesse au milieu de ce qu'on nous laisse croire. Trouve un moment de clarté et je passe aux aveux de faiblesse. Dans la mélasse, c'est vrai que j'en bave mes laisse-moi. Garder une lueur d'espoir, bien que la vérité blesse au milieu de ce qu'on nous laisse croire. Je trouve un moment de clarté et je passe aux aveux de faiblesse. Dans la mélasse, c'est vrai que j'en bave mes laisses. Fais couler le caf, moi je vais rouler le knaf. C'est ma façon à moi de toucher le plafond. J'ai fait ma place, j'ai pas pour but de prendre tout l'espace. J'suis dans mon coin avec mes conjoints, jamais le doute laisse place. Laisse passer les passeras qui touchent les strates. A la source, m'évade, fat, et faut que tes boucles écrasent. Toutes tes couplets que j'place, même sans toupe et j'plane. Au-dessus des MC qu'on la flemme, pire qu'on la boucle, elle claque. Oh, j'avoue qu'elle cache, et même les poubelles clash. Tu t'es fait latch, et même ta cougar te lâche. T'es coupable, sache que t'es responsable, et cela toute ta life. Oui, j'te dis, reste en sage, les autres sont tous malades. Oh, laisse-moi m'apaiser pendant qu'ils coursent la maille. Conscient qu'un jour ça gagne, un jour ça perd, frère. Pas tous les jours ça graille, non, non, pas tous les jours ça graille. Laisse-moi m'apaiser la journée ou même toute la night. Laisse-moi garder une lueur d'espoir, bien que la vérité blesse au milieu de ce qu'on nous laisse croire. Je trouve un moment de clarté et je passe aux aveux de faiblesse. Dans la mélasse, c'est vrai que j'en bave mes laisses. Moi garder une lueur d'espoir, bien que la vérité blesse au milieu de ce qu'on nous laisse croire. Je trouve un moment de clarté et je passe aux aveux de faiblesse. Dans la mélasse, c'est vrai que j'en bave mes laisses. Moi garder une lueur d'espoir, bien que la vérité blesse au milieu de ce qu'on nous laisse croire. Trouve un moment de clarté et je passe aux aveux de faiblesse. Dans la mélasse, c'est vrai que j'en bave mes laisses. Moi garder une lueur d'espoir, bien que la vérité blesse au milieu de ce qu'on nous laisse croire. Trouve un moment de clarté et je passe aux aveux de faiblesse. Dans la mélasse, c'est vrai que j'en bave mes laisses. Giovanni 13, mon auto femme cash. Yeah, 2015. Laisse-moi garder une lueur d'espoir.